Maluma, baby. Habla con moi. Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus ganas de pelear? Ya que me empiezo a enamorar y tú ya quieres terminar. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, yeah, yeah. Tú solita te matas. Pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. Oh, ja, ja. Y'a pas moyen, ja, ja. J'suis pas ta gata, ja, ja. Genre, en katana, baby, tu dead top. Oh, yeah, yeah. Bájale, bebé, esto no lleva a nada. Esto de pelear, no me gusta nada. Si quieres, mándame location pa' la mierda. Y si me pierdo, pues la ruta tú me la das. Si te quiero y es de cora, soy sincero y no lo ves. Gana el que no se enamora. Y yo aquí perdí otra vez. Sin irte yo ya te olvidé. Peleándome por TVT. Deja la película, bebé. Esa ya la vi por TNT. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, ja, ja, y'a pas moyen, ja, ja. J'suis pas ta gata, ja, ja, genre. En katana, baby, tu dead ça. Oh, yeah, yeah. Tú solita te matas. Pensando que tengo gatas de más. Y que me la paso de fiesta. Oh, ja, ja, y'a pas moyen, ja, ja. J'suis pas ta gata, ja, ja, genre. En katana, baby, tu dead ça. Oh, yeah, yeah. Tú solita te matas. Pensando que tengo gatas de más. Y que me la paso de fiesta. Oh, ja, ja. J'suis pas ta gata, ja, ja, non. Y'a pas moyen, ja, ja, ouais. En katana, baby, tu dead ça. D'après toi. En katana, baby, tu dead ça. En katana, baby. Oh, yeah, yeah.